a du monde que j'écoute des fois, là, on va s'en parler. Je dis, hey, toi, t'es pas dans le bon pays, là. T'es pas dans le bon monde. C'est pas que je suis en train de. Je veux pas que ça en aille, mais ils sont vraiment pas heureux ici. M'a te lire ça. Ça se passe dans Saint-Roch. Ils veulent faire une tour dans Saint-Roch ou la bibliothèque Gabriel Roy. Ça fait longtemps, d'ailleurs, ben il y a une poursuite là-dedans, parce que GM Développement avait des projets avec la ville, ils ne sont pas entendus, GM poursuit la ville, le projet est mort, mais bon. Là, le projet est installé, plus, mais il y a encore des projets de tour, il va y avoir des condos, des bureaux, des commerces. Le Soleil parle de ça ce matin, le conflit entre la ville et le promoteur, mais ils ont aussi demandé l'avis du comité des citoyens de Saint-Roch concernant ce projet de tour-là. Ils trouvent ça trop haut. Ça, tu vois, c'est un point de vue que je comprends. Eux autres, ils disent 16 étages, c'est trop, on veut du 7 ou du 8. Et ça, c'est... même si moi, je suis pas d'accord avec ça, moi, 16 étages, ça me dérange pas. Mais on peut vivre dans le même monde, là. Lui, il veut du 7-8, le gars qui est à la tête du comité de citoyens. Moi, 16, ça me dérange pas. Lui, il craint la densité, ça amène plus de monde, peut-être que plus de trafic, puis c'est vrai que le paysage urbain change. Là. Une tour de 16 ou une de 8, pas pareil. Ça, moi, je suis pas d'accord avec lui, mais tu sais. Mais là, il en rajoute. Écoute bien ça. La Ville de Québec a confié à la CSQ, la Centrale des syndicats du Québec, bon, le soin de bâtir l'immeuble qui abritera des commerces et des condos. Ouvrez les guillemets. Et là, c'est le gars, c'est quoi son nom? Du David Gagnon, comité des citoyens de Saint-Roch. Écoute bien ce qu'il dit. Une tour dans laquelle il y a des condos? Non! Une tour privée? Non! Il faut que ce soit un édifice à vocation 100% public, a tranché M. Gagnon. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Mais tu dois-tu être malheureux? Mais il existe des pays comme Cuba ou la Corée du Nord où je pense que tu serais, je suis pas en train de dire de s'en aller, là, mais c'est un conseil, il serait plus heureux. Il veut pas de condo, il veut pas de privé dans le tour. Mais sans le nom, ça, là. Là, on n'est plus dans le... Tu sais, ce que je te disais tantôt, l'opposition gauche-droite, que je comprends, que je respecte, son point de vue sur le paysage urbain, sur la hauteur de la tour, je vis bien que ça, on n'est pas d'accord, mais il veut pas de condos? Non! Des condos? Non! Une tour privée? Non! Des commerces? Non! On veut que ça soit juste du public! Ouais, mais ça existe, ça! Mais tu gagneras jamais, là. Tu vas être malheureux longtemps. Je me trompe-tu ou l'année 2012, là, si le fait marquant de tout ça, ça va avoir été de vraiment positionner chaque personne d'un bord ou de l'autre. Ça, c'était pas de même avant. Hein. Ouais. Là, on dirait que les positions sont claires. Tu sais, il y a des gens qui parlent contre l'anticapitalisme, c'est incroyable. D'un autre côté, trouves-tu ça? Je pense que c'est vraiment le printemps, là, les étudiants qui amenaient ça. On a eu à se prononcer. Il y a eu une radicalisation des opinions, des camps. Puis là, il y a des gens qui expriment des propos, là. Excusez que même en 1970, on aurait trouvé arriéré et dépassé. Mais là, en 2012. Ça, hier, on parlait des restaurants, là, de l'arriérage, puis de l'équipe. Ben, il y a un autre temps, il écrit, de toute façon, je veux pas encourager le capitalisme. Ben, voyons. Vas-y pas au restaurant, puis c'est tout, tu sais. Puis on a le droit de faire de l'argent. Je pense qu'il y a vraiment une infime minorité, mais extrêmement bien branchée et infiltrée dans les médias et dans certains groupes populaires, que si tu sondais vraiment le fond de leur cœur, là, puis remarque, c'est une opinion qui, à la limite, t'as le droit d'être communiste, mais on est au Québec, là. Tu vas être malheureux longtemps. Parce que fondamentalement, j'ai l'impression que ces gens-là se sentent maintenant puissants, importants. Parce que les médias et les artistes sont derrière eux, mais là, le communisme au Québec, moi, je vois pas ça tout de suite. Là. C'est sûr que si t'écoutes Radio-Canada, puis tu t'en vas sur le plateau Mont-Royal, puis tu tiens Camille Acadie, le communisme, c'est pour demain, là. Ça s'en vient, le grand soir, la grande révolution, mais le gars, il veut même... Tu sais, son opposition, le début du discours, je vis bien que ça, là. Il veut pas de 16 étages au lieu de 8, c'est ce que j'appelle une opposition légitime dans un pays... comme le nôtre, puis même si je suis pas d'accord. Mais là, quel débat! Attends que t'invites le gars ici. T'as pas débattre avec lui. Il veut aucune tour privée. Donc, tu veux le communisme. C'est ça que tu veux. Mm. Ouais, mais là, je peux pas m'astiner avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais te donner un exemple. Tu sais, très à gauche, on est dans l'ère de ça, de l'environnement, des cités vertes, des écoquartiers. Moi, la dernière place, je me suis fait raconter, OK, par quelqu'un de crédible. Là, j'étais pas là. Mais au conseil municipal de Stoneham. Oui. il y a quelqu'un qui aurait demandé de faire des éco-quartiers à Stoneham. On est dans le bois, Christy. Tu peux pas être plus éco-quartier. T'sais, voyons. Moi, je suis allé dans ton coin, là. Vous êtes déjà éco, là. Vous avez la forêt à côté de chez vous. C'est oui. Une obsession. T'as la forêt à côté de chez vous. T'as les arbres. Vous avez tout. Vous avez la nature. C'est merveilleux. Mais c'est juste le mot. Je pense que peut-être, je sais pas. Ça là, fait là, une, veulent, ça fait... Qui veut l'amener. Mais bravo quand même à la journaliste du Soleil qui l'a mis dans son texte. J'ai l'impression qu'elle a fait un saut, elle aussi. Là. Puis que, tu sais, elle l'a mis dans le texte. Elle m'a dit, oh, t'as peu, là. Et est-ce qu'il représente vraiment Saint-Roch? C'est lui qui est à la tête du comité des citoyens de Saint-Roch. On sait comment ça marche, ces petits comités-là. Là. Il y a des réunions, personne n'y va, ça s'élit entre eux. Lui, il parle au nom des citoyens de Saint-Roch. Alors moi, je vous parle le matin. On fait un sondage dans Saint-Roch. Êtes-vous contre les édifices privés? Vous voulez plus aucune tour privée? Des tours à condos, vous en voulez plus? Mais voyons donc. Parle au monde là-bas. Il est un peu, là. Est-ce qu'une tour? Puis en passant, c'est quand même assez bizarre que le monsieur s'oppose à une tour privée à la bibliothèque Gabriel-Leroy en disant qu'il préférait une tour 100% publique, comme si le public était toujours un gage et une garantie d'être meilleur et de succès. La légionellose à Québec, qui a tué plus de 10 personnes, était Jourdain dans la tour, justement de la CSQ de Gabriel-Leroy, de la bibliothèque, donc dans une tour publique. Puis je dis pas que c'est parce que c'est public qu'ils ont eu la légionellose, ça prouve juste que c'est pas meilleur. C'est pas une garantie automatique que ça va être meilleur. Une tour privée? Non! Et là, regarde Québec, là, viens-toi de bord, là. T'as pas fini. Vaste combat, là. Va être malheureux longtemps, là. Vaste projet, là. Si tu veux t'opposer à toutes les tours privées, il faut que ça soit public. Puis, c'est quoi cette espèce de... Comment je sais pas... Il y en a vraiment que le mot privé, j'ai l'impression que ça leur donne mal au cœur. Là, au moins, j'aimerais que ces gens-là s'affichent. Moi. Je les respecterais beaucoup plus s'ils disaient « Nous sommes des communistes. On s'oppose à tout ce qui est public. On n'aime pas le capital. On n'aime pas les profits. On n'aime pas. » Là, au moins, le combat serait à visière levée. Là. Moi, j'aimerais mieux ça. 8h47.